Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'heure des loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Et pour l'émission de ce soir, on a décidé de faire une discussion au fil de l'eau, autour du thème de la santé. Je vais y arriver. Et pour ça, je suis en présence de Thomas Defranou et de Mathilde des Chroniques du vendredi matin. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Alors, pour vous présenter vite fait, hein, pour dire qu'on a quand même affaire à des personnes qui s'y connaissent quand même au sujet de la santé, hein. Mathilde, mis à part le fait que, comme je le disais avant, tu fais les chroniques du vendredi matin, enfin 8h et 13h30, tu es aussi naturopathe. Tout à fait. Donc tu travailles en effet dans la santé. Et toi Thomas, tu es déjà passé dans l'émission de l'IA, tu es hygiéniste et éducateur en santé naturelle. Donc voilà, comme ça on a présenté ces... largement, je pense, mes invités de l'émission de ce soir. Alors, si on est là, oui, c'est pour s'attaquer à un gros morceau, à qu'est-ce que la santé ? Et je pense que c'est un gros paquet qui mérite au moins une bonne heure de discussion. Tout à fait, et encore, c'est peu. Donc, je ne sais pas si vous vous sentez prêt à attaquer la bête. Mais complètement. Si, bien sûr, oui. Alors, je vais commencer peut-être à vous demander... à tous les deux, quelle serait pour vous une première définition de ce qu'est la santé globale ? Eh bien allez, donc moi je vais le dire très simplement, la santé pour moi, c'est un équilibre entre l'esprit, le corps et l'âme, tout simplement. Tout est question d'équilibre dans la santé. Et toi Tom ? Donc moi je dirais quasiment la même chose, sauf qu'au final je vais changer de mot, au lieu d'équilibre je vais mettre harmonie. Et ce serait finalement l'harmonie en fait, entre les organes et les glandes et tous les systèmes du corps humain, ainsi que tous les corps émotionnels, spirituels, énergétiques, mentaux et aussi physiques. Voilà. Donc c'est une harmonie entre tout ça, en fait. Voilà. D'ailleurs, je pense aussi à dire à nos auditeurs hein, que vous êtes tous les deux assez jeunes, hein, vous avez moins de 30 ans, ouais. Mais ça ne vous empêche pas hein, d'en savoir beaucoup sur le corps humain et d'avoir vécu, essayé plein de choses, réussi, peut-être même échoué hein, pour exactement. Continuer c'est à comme avancer. Ça qu'on apprend. Voilà, justement. Et voilà, comme vous le disiez, hein, vous êtes d'accord tous les deux là-dessus, parce qu'on n'est pas dans un débat, on est dans une discussion aussi qu'on définisse clairement pour les auditeurs la direction dans laquelle on va aller. Donc la santé, comme vous le disiez, je vais reprendre ce que Thomas a dit, parce que j'aime bien le terme harmonie entre corps, esprit et... j'ai oublié. L'âme. Ah oui, ça l'âme. C'est moi, entre le corps, l'âme et l'esprit, puisque du coup l'esprit, je le considère comme le mental finalement, donc avec ce qu'on réfléchit, ce qu'on pense, et l'âme c'est plus qui on est, sans réflexion derrière en fait. Et puis bien sûr le physique, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Donc s'il y a des déséquilibres physiques, ça vient souvent de l'émotionnel. C'était dans ce sens-là. Oui, parce que il me semble, ça commence à être prouvé. On entend quand même à en entendre parler. Si ma phrase est bien formulée, on commence à en entendre parler. Il y a des médecins, des théories qui tendent à prouver que toutes les maladies du monde, en fait, sont liées à des dérèglements émotionnels. Tout à fait. Ouais. En fait, c'est le mal qui dit. C'est pas la maladie, c'est le mal qui a dit. Donc... Ça y est, j'ai compris ce que tu voulais dire. Petit jeu de mots. Non, mais c'est vraiment ça. Par exemple, quelqu'un qui va dire souvent j'ai mal au dos, tout ça, ça peut se traduire par simplement j'en ai plein le dos de ma vie. Donc, du coup, ça se répercute. Enfin, c'est un exemple très simple. Hein. On pourrait prendre plein d'exemples, mais finalement, c'est faire le lien entre le symptôme, le mot et qu'est-ce qui, enfin, de la cause en fait, la recherche de la cause. Et en naturopathie, c'est ça qu'on va rechercher en fait. C'est pas le symptôme, mais c'est la cause. Pourquoi on en est arrivé là finalement? Pourquoi le corps a ses réactions? Et c'est juste que le corps, il tire un peu la sonnette d'alarme. Il dit coucou, là faut que tu réagisses quoi. Donc c'est souvent pour nous remettre dans le droit chemin finalement. Donc après, si on ne fait rien dans l'instant, le symptôme va s'aggraver et puis c'est. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le vois comme ça. Ouais, je suis parfaitement de ton avis, ouais, complètement. Et oui, comme vous le disiez, donc ça demande une certaine part de connaissance de soi ou de psychologie aussi. Tout à fait. C'est vraiment des échanges. Et c'est vrai que lors d'une consultation en naturopathie, par exemple, la personne, c'est sûr, va venir avec voilà, j'ai ça. Mais nous, on va vraiment essayer de chercher d'où ça provient. Voilà. Entre autres. Et Thomas, toi aussi, c'est pareil. Donc, dans le cadre de votre métier à tous les deux, est-ce que vous faites donc appel déjà, dans un premier temps, à de la psychologie ? Enfin, ça dépend. C'est, en fait, moi, je prends en compte tous les rôles. La psychologie, c'est le mental. Elle l'a décrit tout à l'heure, Mathilde. Mais on prend en compte aussi l'émotionnel. On prend en compte aussi le domaine spirituel, énergétique. Tout ce qui est lié à ce qu'on ne voit pas, en fait, finalement, qui nous touche. Et puis aussi le domaine physique. Donc... ouais, voilà, c'est de façon très large, mais forcément, il y a de la psychologie aussi. Bien sûr. Même peut-être même avant tout, même des fois, c'est aussi beaucoup psychologique. Comme on a dit tout à l'heure que les maladies, souvent à 80%, émanent d'un problème émotionnel, eh ben, on peut dire aussi que c'est de la psychologie, parce que tout à l'heure, Mathilde disait l'âme, redis voir ta petite phrase là, entre le corps, l'âme et l'esprit. Oui, l'équilibre. Et voilà, et l'émotion, il se trouve justement entre ces deux facettes. Et effectivement, comme tu dis, Lou, ça relève vraiment de la psychologie, parce que la personne, il faut qu'elle extériorise du coup ses émotions. Donc effectivement, la psychologie, elle a toute sa place ici, où la personne va essayer de parler. Rien que d'en parler, ça permet de poser les choses et déjà de se libérer en quelque sorte. Après, c'est que le début du travail, mais en parler, effectivement, c'est une base, parce que tu es conscient des choses. Et si tu es conscient, tu vas pouvoir peut-être avancer plus vite. Alors ça, c'est le côté psychologie, comme tu disais, et comme je pense vous êtes d'accord tous les deux, bon... Je suis d'accord moi-même, hein, quand on est stressé, on a des symptômes de stress alors que ce n'est que émotionnel, hein, c'est pas, comment dire, à la base, c'est pas physique, c'est bah, dans la tête littéralement. Et pourtant après, il y a des conséquences sur le corps. Voilà. Et vous trouvez après d'autres moyens de soigner, donc ça c'est si on passe par l'esprit, mais est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins réceptives à passer par certaines passerelles ou vous devez essayer d'en emprunter d'autres peut-être? Bien sûr, c'est pour ça que la naturopathie elle est basée sur trois piliers, elle est basée sur une alimentation saine, équilibrée et vivante, la gestion des émotions, puis le mouvement et la respiration. Et autour de ces trois piliers, du coup, on va essayer de trouver cette harmonie. Mais la personne, par exemple, elle va peut-être vouloir changer son alimentation. Et effectivement, il y a un côté émotionnel dans l'alimentation. Parce que si tu vas pas bien, tu vas peut-être avoir tendance à te diriger vers des aliments réconfortants, comme je prends le sucre, par exemple. C'est quelque chose de très doux, donc si on manque d'affection, on va aller vers ces choses-là, le sucre. Mais par contre, si on est bien, si on est justement aligné entre notre mental, notre âme et notre esprit, on va se diriger plutôt vers des aliments qui nous font du bien. En fait, je sais pas. Ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est que si on n'est pas obligé, en fait, la santé, c'est énormément de besoins vitaux. Par exemple, moi, je pourrais en compter 25. Je vais pas tous les citer là, d'ailleurs, j'en oublierai certainement certains de tête, mais voilà, la santé, c'est quelque chose de très large. C'est pas qu'un problème alimentaire ou un problème d'émotion. Il y a vraiment énormément de portes d'entrée. Il faudrait voir la santé, finalement, comme une roue dans laquelle il y a plein de rouages. Et chaque rouage a autant une importance, enfin je veux dire, il y a autant d'importance les uns que les autres. Il n'y en a pas un qui est plus important. Par contre, suivant le terrain de la personne, suivant le mode de vie, il va y avoir des prédominances. Il va y avoir des portes d'entrée qui seront plus ouvertes que d'autres. Et par exemple, on parlait d'alimentation, il y a des personnes, on leur parle d'alimentation, ça ne leur dit rien du tout. Et elles sont tellement mal psychologiquement et en baisse d'énergie que ben, pour avoir envie de manger bien, des bons aliments, il faut aussi être en forme finalement des fois. Parce que être attiré par des légumes, par exemple, et des fruits sains, et ben souvent, comme le disait Mathilde, quand on n'est pas bien, on a tendance à manger des choses qui ne sont pas saines, justement. Et là où on peut jouer, c'est de donner d'autres pourcentés. Ça peut être le lien social, le contact, ça peut être la gestion des émotions et compagnie. Et si on joue plus sur une porte d'entrée, eh ben la personne, elle va de nouveau être équilibrée, enfin mieux équilibrée, et donc s'intéresser plutôt d'elle-même à une meilleure forme d'alimentation. Voilà, si j'ai répondu à la question. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on pratique tous les deux, c'est vraiment, voilà, on est toutes des personnes uniques, donc chaque personne a des besoins différents. Et c'est à nous, en fait, de capter quand la personne vient en face de nous et à la recherche de quelque chose, c'est à capter vers où on doit mettre la priorité. Qu'est-ce qu'elle va être capable, entre guillemets, hein, je mets les guillemets, d'entendre à ce moment-là. Qu'est-ce qui lui ferait plus de bien ? Qu'on lui change, qu'on fasse un rééquilibrage alimentaire, qu'on agisse plus sur des émotions ancrées depuis le plus jeune âge. Voilà, ça c'est vraiment adaptable et c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque consultation ne se ressemble pas. Le fil conducteur reste le même, certes, mais ça sera vraiment différent en fonction des personnes. C'est écouter l'autre en fait. La base de ce qu'on fait, c'est être à l'écoute et faire, enfin, permettre aux personnes d'écouter leur corps également. En fait. Mais ça s'apprend. Et c'est pour ça qu'on est là, c'est juste pour semer des graines. On n'est pas des magiciens, on n'est pas des médecins non plus. Mais c'est juste, voilà, semer des graines et que la personne devienne autonome, en fait. Devienne autonome dans sa santé, dans la gestion de sa vie, de son mode de vie. C'est plus ça, notre rôle, vraiment. C'est apporter des éléments, mais la personne doit être capable de les prendre et puis d'en faire ce qu'elle en veut. D'ailleurs, pour comprendre tout ça, vous avez dû, j'imagine, en faire expérience vous-même. Exactement. Alors, est-ce que ce ne serait pas trop indiscret de vous demander un petit peu de témoigner à votre tour de comment vous aviez compris que vous n'étiez pas dans la bonne voie et comment vous avez trouvé la bonne voie pour la santé ? Ben, je pense qu'on peut presque... Il y en a un qui peut parler pour nous deux parce qu'on a commencé quasiment... En même temps, quasiment. On a... D'ailleurs, l'association Racine qui existe encore aujourd'hui, on l'a créée ensemble. Ouais. Donc, je commence ou tu... Mais vas-y, parce qu'effectivement, on a la même histoire, puisque nos chemins se sont croisés à ce moment-là, et on a fait cette avancée ensemble. Ouais, effectivement. Ben, en fait, alors, peut-être pour toi, c'est... Ben, si tu me diras, voilà, Mathilde, elle avait aussi un problème de santé, j'en avais aussi, c'était pas des problèmes hyper lourds. Mathilde avait de l'eczéma, par exemple. Moi, j'avais de l'ostéoporose et de l'asthme. Donc, voilà, c'est pas des trucs super fous, mais voilà, c'est pas des grosses maladies. Mais voilà, on avait tous les deux des trucs, mais... Voilà, enfin, je vais donner pour ma part, en fait, comment ça a commencé. Moi, je me suis renseigné énormément parce que j'étais plus en accord avec ce que je vivais, hein, dans notre mode de vie, notre mode de société. J'étais pas du tout en accord avec ça. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. J'ai vu, forcément, entre guillemets, les problèmes qu'il y a dans ce monde. J'ai été très loin. Et ça m'a beaucoup meurtri. Ça m'a terriblement affecté. Et à partir de cet affect, finalement, j'avais deux choix. C'est soit, ben, je vais parler comme ça, mais je me mets une balle, j'arrête de vivre parce que ça ne correspond pas. Ou alors, je trouve des solutions. Et en cherchant des solutions, je suis très vite tombé sur ce que met en avant la permaculture. Donc c'est des systèmes d'autosuffisance tout confondus sur tous les domaines, habitat, électricité, énergie, alimentaire, enfin surtout. Et c'est en me renseignant là-dessus finalement que j'ai commencé à voir des vidéos d'une personne qui s'appelle Thierry Casasnovas, qui est un grand ami aujourd'hui, et qui voilà, mettait en avant justement des problématiques liées à la santé, mais surtout sur notre domaine alimentaire. Donc on a commencé comme ça, à se poser des questions sur notre alimentation et à vouloir changer de régime alimentaire. Effectivement, voilà. Ça a commencé par l'alimentation. Peut-être un peu trop rapidement, du coup, c'était vraiment quelque chose d'assez drastique, puisqu'on est passé au crudivorisme, frugivorisme, entre autres. Donc, le fait de manger que des aliments, entre guillemets, enfin... Brut, quoi. Brut, oui, cru, quoi. Enfin, pas cuit, pas dénaturé, finalement. Quelque chose de très naturel. Alors, effectivement, dans le début, pour ma part, enfin, pour mon expérience, ça a été hyper efficace. Enfin, j'ai changé beaucoup de choses. Ça m'a permis, en fait, de faire un espèce d'effet détox, finalement, avec beaucoup de jus, de légumes, etc. Donc, pendant 3 mois, c'était vraiment le top de la forme, énergie, tout ça. Et plus on avançait, et plus, en fait, mon corps, il ne supportait plus, finalement. Mais, effectivement, c'est parti d'alimentation. Et c'était très intéressant de le vivre parce que je pense qu'effectivement, pour pouvoir conseiller des gens, c'est intéressant d'avoir vécu les choses. Même si effectivement, on ne peut pas tout essayer parce que sinon, je pense qu'il nous faudrait plus d'une vie. Mais en tout cas, d'avoir eu ces expériences et de pouvoir en parler aussi. Parce qu'on est parti vraiment à l'extrême. Clairement, c'est ça, on est parti à l'extrême. Et c'est là que l'équilibre n'y était plus finalement. Parce que oui, j'avais une très très bonne alimentation, mais non, j'allais pas bien émotionnellement. Et non, mon mental, enfin, c'était, il n'y avait pas de cohérence en fait. Donc je mangeais bien, mais c'est pas pour autant que ça allait. Donc effectivement, pendant 3 mois, l'eczéma est parti. Puis dès que l'aspect émotionnel a refait surface, et bah, c'était encore pire finalement. L'eczéma est revenu et j'avais rien réglé. J'avais traité le fond, enfin j'avais nettoyé un peu mes organes, etc. Mais j'avais pas cherché vraiment la cause. Parce que finalement, l'eczéma, il faut savoir que c'est vraiment émotionnel, complètement. Lié à plein de choses, mais c'est émotionnel. Comme pour tout, ouais. Comme pour tout, enfin, comme toute maladie, entre guillemets. Mais ça nous a beaucoup appris. Je pense qu'effectivement, on n'en serait pas là aujourd'hui si on n'était pas passé par cette étape. Et puis, du coup, on a changé d'alimentation. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour partager ça? Parce que c'était vraiment l'effervescence, hein. Quelque chose de nouveau, ça nous faisait du bien, donc on voulait le partager. Et on s'est dit, bon, bah, on n'a qu'à créer une association. Et puis, bah, Auracine est née. Donc, c'était déjà en 2015, 2014 même. Oui, il y a 4 ans. Là. Et en prenant effectivement la permaculture, le côté jardin aussi, pour que les personnes soient autonomes aussi dans leur manière de s'alimenter. C'était vraiment jardin, alimentation, on essayait d'allier les deux. Donc, on a participé à quelques festivals où on proposait des jus. Et puis, au fil du temps, on a évolué. Hein. Donc, voilà. Et je pense, si je peux rajouter quelque chose... Je trouve que c'est très important, justement, tu parlais d'expérience, tu disais que, justement, ben, t'imaginais qu'on ait aussi expérimenté ce qu'on sait aujourd'hui. Et c'est, on voit bien que par l'expérience, on s'enrichit énormément, parce que cette expérience nous a fait grandir et nous a fait comprendre, finalement, ce qu'on dit là depuis le début de l'émission, que la santé, c'est pas un axe, c'est pas de l'alimentation, ou c'est pas une gestion d'émotions, ou du lien social, ou alors le jeûne. Enfin, la santé, c'est pas un axe. Et ça nous a fait comprendre qu'en fait, il y a énormément de choses qu'on ne respecte plus, en fait, dans notre mode de vie. Et c'est en réadoptant, finalement, tous ces rouages, tous ces modes de vie qui sont sains, que là, on peut vraiment se définir d'avoir une pleine santé. Parce que comme on a commencé au début de l'émission, c'est vrai, quand on demande aujourd'hui à la plupart des gens la santé, c'est quoi ? D'ailleurs, même la définition de l'OMS, c'est être en absence de maladie. Oui. Ça veut dire que tu as la santé à partir du moment où tu n'as pas de maladie. Et pour moi, c'est pas assez large. Alors, ça fait partie d'une des conditions de la santé. Normalement, tu n'as pas de maladie si tu es en santé, mais ça ne fait pas tout. Parce que moi, aujourd'hui, par exemple, avec le recul que j'ai, je me méfierais plus d'une personne qui n'a aucune maladie, qui ne déclare aucun symptôme, plutôt que d'une personne qui a déjà une maladie ou un symptôme. Parce qu'il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des maladies. Par exemple, la fièvre, ça pourrait être une maladie. Alors que la fièvre, elle est là pour justement rééquilibrer l'organisme dans ses fonctions vitales. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'organisme s'intoxique par notre alimentation, notre mode de vie en général, et la fièvre, elle fait monter la température jusqu'à 39,7 degrés, ça peut même aller au-delà. Mais il a été prouvé, c'est un chercheur qui s'appelait le docteur Wolf, et du coup, ce docteur, il a prouvé qu'à 39,7 degrés, quasiment l'entièreté de tous les agents pathogènes, de toutes les toxines, de toutes les mauvaises bactéries, mouraient à ce moment-là. Donc on voit bien par ce principe que la fièvre, elle n'est là que pour alerter, mais surtout rééquilibrer l'organisme. Mmh. Et je finirai par dire qu'en fait, notre enseignement et ce qu'on veut mettre en avant aujourd'hui, ça se base beaucoup sur une loi du vivant qui s'appelle l'homéostasie. L'homéostasie, ça dit que n'importe quel système vivant laissé à lui-même en l'absence de perturbations auxquelles on remet tous les besoins vitaux, revient spontanément à son état d'équilibre. Ça veut dire que si on laisse le corps tranquille et qu'on lui apporte les bons matériaux, eh ben il se régénère de lui-même. Et on se base là-dessus. Ça veut dire que notre but premier, c'est d'enlever les obstructions, de remettre des choses dans le mode de vie, et seulement peut-être après, on pourra donner des petites pitchnettes avec des plantes ou voilà, pour améliorer le conditionnement. Mais c'est d'abord de chercher la cause des causes qui a créé la maladie et de libérer de cette cause. Et, voilà. Et laisser le corps se faire, effectivement. Et laisser le corps se faire. Parce que le corps est capable de s'auto-guérir, clairement. Oui. Et on le voit, parce qu'on arrive... des fois, on ne prend pas de médicaments ni rien, et puis 3 jours après, ça va mieux. Parce que le corps va toujours faire tout pour nous maintenir en bonne santé. C'est sa principale mission. Voilà. C'est sa principale mission, et il y a déjà beaucoup d'informations qui ont été brassées. On va peut-être laisser décanter un petit peu tout ça avec une première pause musicale, okay, intitulée « Vuela con el viento » de Ayla. Et on se retrouve juste après. Thank you. lleva de con tus alas de luz. Águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol. Brillando, me guía el camino. Llévame con tus alas de luz. Águila, tráenos medicina del viento, del aire, de las estrellas, del sol. Brillando, me guía el camino. Cura, cura, cura, cura, me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Cura, cura, cura, cura, me sana todo lo que yo llevo. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. Sur Radio Gemozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Et voilà, vous avez écouté à l'instant un extrait du morceau Vuela con el viento de Ayla. Donc si vous voulez l'écouter en entier, n'hésitez pas à faire un tour sur internet, vous le trouverez sans trop de problèmes. Nous sommes toujours avec Mathilde et Thomas pour parler globalement de santé. Et comme on a vu dans cette première partie d'émission, c'est un sujet très vaste et il ne se limite pas qu'à l'alimentation, donc si j'ai bien compris, on va peut-être pas trop parler d'alimentation parce que aussi, si j'ai bien compris, on est tous différents, bon, donc on va peut-être pas dire aux gens comment ils doivent vivre, comment ils doivent manger, mais plutôt de s'écouter pour savoir, parce que c'est à leur corps de leur dire ce qu'ils doivent faire. C'est vrai que s'il y a une chose qu'on nous rabâche régulièrement, c'est aussi, pour être en santé, faites du sport. Alors, Mathilde, Thomas, un avis à donner par rapport à ces actions lancées par le gouvernement pour promouvoir l'activité physique ? Vas-y, on t'écoute. Eh bien oui, forcément, oui. L'activité physique est un des besoins vitaux de l'organisme. Donc sans activité physique, eh ben, on ne peut pas se garantir pareil d'avoir une bonne santé optimale. Mais je ferai bien attention entre. Parce que tu parlais de quoi? L'organisme de la santé? L'OMS, tu parlais? Non, tu parlais du gouvernement. Du gouvernement. Non, juste, tu voilà. sais, comme les spots, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Tu sais, les spots qui passent de temps en temps à la télé, à la radio, fait sur Internet. Fait une activité régulière par jour. Etc. Ouais, ouais. Du coup, ouais, tout ce que j'aurais envie de rajouter, parce que bon, ça c'est pareil, c'est un domaine que on sait, je veux dire très bien, très simplement aujourd'hui, que si on fait du sport, on sera en meilleure santé, enfin on gagne en santé. Donc, je pense qu'on va pas trop élaborer le sujet, mais par contre, j'aurais envie de donner une petite précision. Puis toi, tu diras ce que tu veux après, Mathilde. Mais que voilà, on met souvent en avant comme quoi le sport est bénéfique à la santé, et c'est, il faut bien faire prendre en considération que c'est l'activité physique qui est bonne pour la santé, et non le sport, parce que le sport en fait, c'est finalement, quand on fait du sport, on a un objectif, on se tient un objectif, c'est un peu de la compétition, on est compétitif avec soi-même, et donc on va manquer très vite de quelque chose de primordial, c'est l'écoute de soi. Parce que ben, si dans notre protocole, on doit faire, je ne sais pas moi, 50, je sais pas, je dirais 10 séries de 50 pompes hein, pendant l'activité, et ben, on va faire ces 10 séries, même si on n'en peut plus, ben, on va continuer parce que c'est notre objectif. Et à partir de ce moment-là, en fait, le sport, cette activité physique va devenir délétère. Et on va beaucoup trop faire de déchirures musculaires et qui va demander des ressources beaucoup trop importantes. Et notamment, on peut même acidifier terriblement l'organisme à faire trop de sport. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais envie de rajouter. Mais oui, effectivement, l'activité physique est très importante. Voilà. Et toi, Mathilde ? Alors, effectivement, je te rejoins, Thomas. Et c'est assez drôle parce que moi, par exemple, j'ai jamais aimé le sport. Et jusqu'à ce que je comprenne qu'effectivement, je ne m'écoutais pas. Par exemple, au collège, on devait courir et tout, mais moi, c'était toujours l'enfer, quoi. Je ne supportais pas, j'y arrivais pas, clairement. Pourtant, voilà, je suis... Enfin, c'est pas une question de physique, en fait. C'est juste que non, je m'écoutais pas. Donc, moi, je répète encore les trois piliers de la naturopathie, donc une alimentation équilibrée, le mouvement et la respiration, et la gestion des émotions. Donc, le mouvement et la respiration, effectivement, c'est plus une activité physique. Donc, rien qu'aller marcher 30 minutes par jour, ça va suffire au corps à bien s'oxygéner, pas obligé d'aller courir pendant je ne sais combien de kilomètres à s'essouffler. Malgré que ça peut être un challenge pour certains, ça peut leur convenir, mais je pense que ça ne convient pas à tout le monde, encore une fois. Donc, quelqu'un, par exemple, qui va avoir des problèmes de poids, etc., tu vas pas aller lui dire, bon bah maintenant faut que tu fasses un footing tous les jours de 10 km en courant, parce qu'il aura... Pardon. Non, en fait, je précise juste la course à pied, d'ailleurs, c'est pas le meilleur sport pour commencer, c'est un sport assez violent et très exigeant. Donc voilà, c'est pour éviter. Ça quand on dit ça, bah écoute, t'as qu'à aller courir un peu, bah non, peut-être pas, non. Juste commence peut-être par marcher et puis tu verras s'il te correspond mieux. Il y a tellement de sports, c'est assez vaste, hein. Il y a la piscine, il y a plein de choses. Mais je pense qu'encore une fois, il faut s'écouter. Et si on voit que notre corps a des limites, effectivement, on peut les repousser, mais au risque de... C'est toujours pareil, c'est au risque de pas avoir les ressources nécessaires pour se maintenir vraiment en santé, quoi. Donc encore une fois, tout est question d'équilibre. J'ai envie de rajouter une chose là, que sur ce que tu dis. Comme disait Mathilde, juste marcher, ben, ça suffit à avoir une bonne activité physique régulière pour gagner en santé. Ça suffit amplement. Mais après, dans l'activité physique, ça dépend qu'est-ce qu'on recherche. Si on cherche juste un petit quotidien pour se maintenir en santé et puis être bien quotidiennement avec une petite marche ou du vélo ou peu importe, ou est-ce qu'on cherche à vouloir se renforcer, devenir plus fort? Parce que ça, c'est aussi autre chose. Donc là, on pourra aussi aller vers le sport et faire donc des activités physiques bien spécifiques qui vont justement nous renforcer. Ça parle de la loi de l'hormèse. Alors la loi de l'hormèse, en fait, c'est une loi qui tout simplement dit que chaque organisme vivant qui est soumis à un petit stress sur une petite durée suivi d'un temps de repos suffisant, eh ben, l'organisme se renforce à chaque fois. On le voit par exemple sur une plaie. En fait, si on se fait une plaie, on donne un petit stress à l'organisme. Et ce stress, il va comprendre qu'il doit se renforcer, et bien souvent, dans la plupart des cas, quand la plaie est cicatrisée, la peau est encore plus dure, plus ferme, plus forte que la peau d'avant. Donc voilà. Par ce principe-là, l'organisme peut se renforcer. Donc on peut faire ça aussi par l'activité physique. Mais ça dépend de ce qu'on cherche. Voilà. Après, ce sera des méthodes bien précises. Donc voilà, je ne vais pas en parler là. Ça dépend en effet de ce qu'on cherche, comme vous le disiez, parce qu'il y a aussi plein de sports et ça ne sert à rien de vouloir... Bah, entrer en compétition, on avait parlé un petit peu en off que en fait, le fait de faire du sport, c'est se fixer des objectifs, se mettre en compétition, mais peut-être pas forcément s'écouter au risque de se faire mal. Toi, tu as parlé, Mathilde, de marche. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'avoir une activité tout en faisant d'autres choses à côté, comme, se cultiver, se reposer en lisant? Enfin, je veux dire, est-ce que tu as d'autres propositions? Comme, je sais pas, est-ce que faire du jardinage, c'est considéré comme une activité physique pour toi? Complètement, ouais, complètement. Ah oui. Après, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Oui, j'en ai d'autres à donner. Est-ce que tu veux en donner ou j'en donne? Ah bah tu peux, hein. Bah, il y a d'autres exemples. En fait, moi, je dirais déjà tout ce qui est lié au poids de corps. En fait, tout ce qu'on peut, on peut faire énormément d'exercices physiques sans aucun matériel. Tout ce qui est lié au poids de corps, comme par exemple des pompes. Mais quand je parle de pompes, il y a des gens qui n'arrivent pas à se mettre sur les deux bras à faire des pompes. Moi, par exemple. Mais on peut faire des pompes avec les genoux au sol. C'est possible de mettre les genoux au sol. Il ne faut pas se trouver nul parce qu'on va faire des pompes avec les genoux au sol, alors que normalement, ça se fait... Voilà. Il faut que le sport, enfin, il faut que l'activité physique, pardon, soit adaptée à la personne. On n'a pas tous le même niveau. Mmh. Voilà. Moi, par exemple, je suis capable de faire des burpees. En fait, c'est des sautés où, en fait, on saute en l'air et on tape dans les mains et on écarte les jambes. Et après seulement, on retombe en pompe et on refait des pompes et on se relève et ainsi de suite. C'est quelque chose de très difficile. Mais on va pas commencer à faire des burpees si finalement, on sait même pas faire déjà des pompes. Il faut commencer à son niveau. Donc voilà, tout ce qui est au poids de corps, ça peut être vraiment très, très, très bénéfique. Mais c'est toujours pareil. C'est à l'écoute. Il y a la méthodologie, mais aussi beaucoup la posture. Parce que souvent, on fait des pompes ou on fait des exercices physiques, mais on n'adopte pas une bonne posture et une bonne méthodologie. Et tous les bénéfices sont dans la posture et dans la méthodologie. Parce dans que souvent, la respiration. Et dans la respiration, voilà. Si on fait une pompe et qu'on a le dos creusé, ben ça sert plus de mal que de bien, voilà. Mais sinon, bah, y a les squats, il y a... Les différentes sortes de yoga, hein, rien que l'étirement, ouais, c'est déjà une belle activité physique. Carrément. Comme font, par exemple, les chats quand ils se lèvent, ils s'étirent. Mm-hmm. Et nous, je pense que si on rajoutait simplement ça le matin en se levant, ça ferait du bien au corps. Carrément, carrément. Suivi de respiration, comme je disais, mouvement et respiration. Ouais. Tu vas toujours être plus performant si tu respires bien que si tu bloques ta respiration. C'est hyper important. Et on ne sait plus respirer de nos jours. Bien sûr. C'est d'ailleurs, quelque chose qu'on doit réapprendre. Oui, réapprendre à respirer pour continuer. Alors, d'oxygéner l'organisme et d'évacuer les toxines. Non, c'est pas les toxines. Ouais, c'est ça. Et puis, bravo, oui, Lou. Oui, ouais. C'est tout à fait ça. pour le faire correctement, mais même au quotidien, en fait. C'est même pas que dans un cadre sportif ou des choses comme ça. Non, complètement pas. C'est vraiment tout au long de la journée. Et quand tu te concentres un petit peu sur ta respiration, tu remarques que souvent, elle est bloquée ou elle se trouve qu'au niveau de la cage thoracique, finalement. Alors que c'est bien plus... C'est bien plus étendu que ça, finalement. Ça va du ventre jusque la gorge, en fait, finalement, enfin, cage thoracique. Et si on se pose 5 minutes et qu'on essaie de respirer, on va tout de suite se sentir apaisé. Alors que, par exemple, en situation de stress, hein, pour prendre cet exemple, tu bloques direct ta respiration. Tu respires très, très rapidement et tu ne vas pas prendre le temps de faire des grandes inspires, des grandes expires. Exactement. Ouais. Et c'est juste intéressant, des fois, un petit exercice à faire, c'est juste voilà, essayer d'écouter comment on respire. Et là, tu remarques que... Ouais, c'est... Ah, qu'on respire pas forcément comme il faudrait. Pas forcément comme il faudrait. Non. Alors que c'est quand même un des besoins élémentaires. Hein. Je veux dire, si on ne respirait pas, on ne serait pas là. En effet, mais on le fait déjà spontanément. En fait, je pensais que le fait de le faire spontanément, c'est que ben, c'est naturel, c'est automatique et on le fait comme il faut. Mais enfin, effectivement, je pense que oui, mais avec tout ce qui se passe dans notre vie et les situations, les chocs, ça peut altérer justement cette intuition, parce qu'on la perd, notre intuition. Avec la société, avec l'éducation, tu perds plein de choses intuitives que tu as en toi, finalement. Que l'être humain, de base, il est très intuitif, il sait ce qui est bon pour lui et il le fait naturellement. Sauf que nous, on a tellement été régis par plein de choses, par nos parents, par l'école, que les processus, finalement, ils se font peut-être plus naturellement. Ça peut être altéré aussi par l'alimentation, hein, par plein de choses, mais voilà, c'est une piste à explorer et vraiment réapprendre aux gens à respirer, c'est hyper intéressant. Que ce soit en relaxation, en yoga, en n'importe, mais la respiration, c'est une base. Surtout, j'ai envie de rajouter que, en plus, tu viens de le dire tout vite, Lou, c'est très intéressant ce que tu as dit, Lou, et puis du coup, ce que vient de rajouter Mathilde, parce que tu viens de dire qu'on respire souvent que par la cage thoracique, alors qu'on peut aussi... respirer avec le ventre, enfin, pour faire simple. La respiration abdominale, ouais. Et il faut savoir que la respiration, souvent, on est conscient qu'on a besoin d'oxygène pour vivre, que l'oxygène, c'est un des matériaux les plus essentiels à la vie, avec le sucre, enfin, en tout cas, le carbone. Mais voilà, on s'arrête là. Et on ne sait pas ce que tu as sous-entendu tout à l'heure, que la respiration, tu disais, je crois qu'on élimine des toxines. Et il faut savoir, qu'on a tendance souvent à pas bien le savoir, mais que 80%, c'est pas rien, hein, des toxines dans le corps sont éliminées par la voie pulmonaire. En fait, c'est l'organe d'élimination par excellence. On croit souvent que c'est les intestins, enfin plus particulièrement le côlon, mais il n'en est rien. Les organes les plus importants, c'est les reins et le poumon. Et 80% de ces toxines passent par la voie pulmonaire pour être éliminées. Alors si on ne fait qu'une respiration par la cage thoracique, eh ben, on peut comprendre que toutes les toxines qui sont dans notre côlon, qui sont dans le ventre en fait, ben, alors elles remontent parce que le corps il sait le faire tout seul aussi. Mais si on fait en même temps une respiration abdominale, enfin du ventre, alliée à une respiration avec les poumons, eh ben, on s'assure de ramener suffisamment de toxines dans nos poumons pour pouvoir être éliminées. Voilà, pour pouvoir évacuer. Donc voilà. Seulement on n'en prend pas conscience de ça. Comme on respire par la bouche au lieu du nez, ou on ne prend jamais de bonne respiration profonde, en fait, en vérité. Normalement, on devrait respirer comme ça. Et en fait, quand on le fait rien qu'une fois, on sent qu'on se calme. Mais nous, on est tellement toujours dans le stress bah, qu'on est bloqué, comme le disait Mathilde. Et quand on voit, quand on fait des exercices quotidiennement de respiration, il y en a des tas et des tas, et ben, bah, tu serais habitué à avoir une vraie respiration. Tu serais habitué à avoir une vraie respiration. Puisque ça devient automatique, c'est comme tout. Hein. Comme toute habitude que tu changes, au bout d'un moment, ça devient automatique. Mais c'est intéressant de faire une petite marche arrière et d'essayer de, juste de s'observer en respirant et voir ce que ça donne. Et vous savez quoi ? Je pense qu'on va laisser le temps aux auditeurs aussi d'observer leur respiration pendant la pause musicale qu'on va passer. On en profite, on fait d'une pierre deux coups pour vous. Le morceau suivant qu'on écoute, c'est Spirit Bird de Xavier Rudd. On s'écoute ce morceau et on se retrouve juste après. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Many tribes of a modern kind doing brand new work, same spirit by side, joining hearts and hands in ancestral twine, ancestral twine. Slowly it fades. And slowly we fade. And slowly you fade. Slowly. De retour sur Radio Gémozo 107FM. Vous avez écouté un extrait de Spirit Bird que je vous encourage aussi à aller chercher si vous voulez l'écouter en entier. Spirit Bird de Xavier Rudd, d'ailleurs un morceau très calme. Hein. D'ailleurs, je me demande si les auditeurs ont pris le temps en fait, de se concentrer sur leur respiration comme Thomas et Mathilde le proposaient. Bon, on l'espère. Et justement, bah là, je voudrais donner un petit truc en plus sur la respiration. comme quoi montrer l'importance en fait de la respiration. Et j'ai un petit conseil au passage que je peux donner à tout le monde, mais alors là vraiment c'est de façon très large. C'est un conseil pour se sentir en forme, mais en meilleure forme dès le matin. C'est de, en fait la première chose que vous faites quand vous vous levez, vraiment la première chose, vous enfilez un pantalon, une veste, ce que vous voulez, mais vous sortez tout de suite dehors et vous prenez votre respiration. Alors vous faites comme vous voulez, respiration profonde, lente, mais vous respirez. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est simple à comprendre. Quand le bébé il naît, la première chose qu'il fait, c'est de prendre de l'oxygène. Donc ça démontre bien que c'est le besoin le plus important de l'être humain, c'est de prendre d'abord de l'oxygène. Et partant de cette base-là, on se rend compte que si tous les matins, effectivement, on essaye de... La première chose qu'on fait, c'est de prendre un bol d'air, et ben au bout de 3 semaines, on verra déjà des grands changements s'empérer en soi sur la forme qu'on peut avoir de la journée. Parce qu'il faut savoir que nous, on dort dans des environnements qui sont confinés, pas aérés, et donc on vit en anaérobie toute la nuit. Donc ça veut dire qu'on manque énormément d'oxygène. Et quand on se lève le matin, on boit un café, on mange une tartine, mais on va jamais dehors. Et pourtant, c'est très très très important de réoxygéner l'organisme, de reprendre un gros potentiel d'oxygène pour commencer la journée. Voilà, c'était le petit conseil et la petite précision en plus pour la respiration. Voilà. Précision qu'on s'efforcera d'essayer avec plaisir. Et comme tu l'as dit, donc pour commencer une bonne journée, c'est important d'aller dehors et de prendre une bonne respiration. Mais s'il y a aussi autre chose qui est important, c'est le repos. Exactement. Oui, tout à fait. Mathilde, tu veux en parler un petit peu ? Vas-y, je te laisse la parole. Ah bon ? Non, effectivement, je peux parler, mais je pense qu'on ne pense pas à se reposer. Alors effectivement, on dort, mais est-ce qu'on dort bien ? Ça, c'est la grande question. Et est-ce qu'on prend le temps dans la journée, des fois, de faire des pauses ? En fait, se reposer, c'est voilà, faire quelques pauses. Mmh. Alors oui, il y a quelques pauses. Alors moi, je mettrais deux... je ferais bien la différence quand même entre le repos et la détente. Dans la journée, je pense que c'est important, justement, comme tu le disais, de prendre des moments de détente, de relaxation... voilà, par les automassages, que d'ailleurs Mathilde pourrait nous en toucher quelques mots, et qui sont très intéressants, donc ça fait partie du prendre soin de soi. Mais le repos, c'est autre chose. Le repos, c'est véritablement plutôt quand on dort, en fait. Le repos, c'est quand vraiment l'organisme, il ne fait plus rien. Là, on est véritablement en repos. Et c'est vrai qu'on ne mesure pas vraiment l'importance de ce repos, parce que je vois beaucoup, par exemple, de personnes autour de moi qui sont en burn-out ou qui manquent énormément d'énergie, et sont toujours en train de demander des conseils sur quelle plante va pouvoir m'aider à me booster un petit peu, qu'est-ce que je dois prendre pour être plus en forme, ou alors qu'est-ce que je dois changer au niveau alimentaire pour être plus en forme, alors que la base même, en fait, si on regarde bien l'individu, là où ça pêche le plus, c'est le repos. Et il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, on parlait d'homéostasie, on disait que finalement, en fait, le corps, quand il est livré à lui-même en l'absence de perturbations, il se répare, il se nettoie, naturellement toujours. Et il faut savoir que cette phase-là, ça s'appelle l'anabolisme. En fait, il y a deux systèmes dans le corps, hein, le catabolisme et l'anabolisme. Catabolisme, il use les ressources quotidiennement. C'est quand on marche, quand on fait une action, quand on pense, on use des ressources. Et quand on ne fait rien, quand on est au repos, on est dans l'anabolisme. Donc là, il reconstruit, il répare, il nettoie. Et c'est uniquement quand on est au repos qu'il fait ça. Donc rien que par ça, on peut comprendre déjà que c'est très important de passer énormément de temps de repos, parce que plus on se repose, et plus on se nettoie, et plus on est sain. Donc c'est très important. Et quand on néglige le repos, eh ben on néglige aussi notre capacité à se nettoyer. Voilà. Et souvent, en fait, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à avoir un vrai repos. C'est devenu un problème aujourd'hui d'avoir un bon sommeil, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir et compagnie, ils mettent 2 heures avant de s'endormir. D'ailleurs, ça, quand on met beaucoup de temps avant de s'endormir, ça nous définit bien qu'il y a un problème au niveau de la santé, parce que normalement, quelqu'un en très bonne santé s'endort directement, il n'y a pas besoin. Mais qu'est-ce qu'on fait en fait ? On croit qu'on se repose, nous par exemple, quand on est le soir, qu'on a fini notre journée de travail, on allume notre ordinateur, on papote sur internet, ou on regarde des vidéos, des films et compagnie, nos lumières sont allumées, nos wifi sont allumées, et on croit qu'à ce moment-là, on est en train de se reposer. Ou alors encore mieux, s'il n'y a pas de wifi à rien, mais qu'on est en train de lire, on croit qu'on est en train de se reposer, alors que l'organisme, il est en train de faire quelque chose. Et bien souvent, même quand on dort, le corps ne se repose pas assez. Pourquoi ? Parce que des fois, on mange trop tard, à des heures qui sont pas du tout, qui ne respectent pas la digestion. On mange après que le soleil se soit couché. Et aussi, on ne se couche pas en même temps que le soleil. Alors ça peut paraître fou, mais pourtant, quand la lumière elle descend, normalement, il y a une information de la luminosité qui descend, et la glande pinéale, elle capte cette information et elle va donner des récepteurs à la thyroïde et au surrénal de faire passer notre système nerveux en parasympathique, en mode calme, contact, repos. Et si, malheureusement, on continue alors qu'il est passé 22h, qu'il y a toujours, il n'y a plus de soleil, mais que nous, on a des lumières et compagnie, qu'on est sur notre ordinateur, bah forcément, notre glande pinéale, elle ne comprend pas, elle croit qu'il y a toujours de la lumière, donc on est toujours activé. Et du coup, elle ne crée pas de mélatonine. Voilà, du coup, elle ne crée pas de mélatonine. Alors ça, c'est encore autre chose. Ouais, parce que là, c'est pour la peau, là. Ouais, ça, c'est... Bon, voilà. Ah oui, non, pardon, tu as bien raison, c'est moi qui viens de... Non, j'ai confondu avec la mélamine, c'est pour ça. Oui, donc voilà, là, c'est, non, voilà. Mélatonine, oui, c'est l'hormone du sommeil. Ouais. Oui, effectivement. Qui se crée justement depuis la glande pinéale, effectivement. Donc comme tu disais, l'importance de ne pas manger trop tard, effectivement, parce que du coup, quand ton corps il digère, eh ben, il ne se repose pas. Et s'il digère pendant la nuit, tu ne te reposes pas. Mmh. Exactement. C'est vraiment ouais, le travail nocturne hein, de détoxination du corps, tout à fait. Ouais. Et c'est là que le repos est hyper important. Et ouais, il faut bien penser aussi qu'en fait, on a 24 heures dans une journée. Et 24 heures, le corps, vu que c'est de l'homéostasie, comme je disais, qui tend toujours à se réguler, et qu'en fait, on parle toujours de juste milieu, en fait, hein, y a toujours un équilibre à trouver, bah, dans l'équilibre, en fait, au niveau du repos, ça devrait être 12 heures. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dormir 12 heures. Ça, c'est différent. Mais par contre, il y a quelque chose qu'on fait. Dès que, je l'ai dit tout à l'heure, dès que la lumière va s'éteindre, le corps va se mettre en parasympathique et va commencer son nettoyage. Et ça va durer normalement 12 heures. Et souvent, on l'interrompt directement, bon, parce qu'on se couche trop tard, mais aussi parce qu'on se lève le matin et qu'on va tout de suite manger ou tout de suite faire des activités et faire quelque chose qui va empêcher le nettoyage du corps. Parce que le corps, il faut qu'il mette 12 heures. S'il a mis 12 heures de catabolisme, 12 heures de toxines qui sont accumulées, il faut 12 heures de nettoyage. Et souvent, quand on mange directement dès le matin, par exemple, eh ben, on casse complètement ce nettoyage. Donc voilà. Donc en fait, on est à un ratio de... 4 heures, 5 heures de nettoyage, parce que comme le disait Mathilde, on mange trop tard, donc déjà, hein, le temps que ça digère, on nettoie pas. Et vu que le matin, on remange trop vite, ben, en fait, on a 4 heures de nettoyage par jour pour finalement 20 heures de toxémie. Donc, voilà. Ouais, et puis tout est dans le mot, hein, petit déjeuner, c'est déjeuner parce que la nuit, tu jeûnes, et le matin, pour déjeuner, il faut y aller progressivement et ne pas manger effectivement tout de suite quand tu te lèves. Complètement. Attendre au moins, ouais. Et d'ailleurs, quand on saute le repas du matin, ça peut paraître fou au début, on croit qu'on ne va pas avoir d'énergie parce qu'on mange pour avoir de l'énergie, hein, donc on se fait des repas pleins, hyper copieux. Mais en fait, on peut très vite s'apercevoir, il faut le tester, ça ne va pas être très grave, hein, on n'est pas là en train de conseiller un jeûne. Mais rien que sauter le petit déjeuner et d'attendre peut-être le midi pour manger, et ben on va voir très rapidement. Alors, pas les premiers jours, on sera plus fatigué. Ça, c'est normal parce qu'on ressent notre état de fatigue que quand l'organisme il est vraiment en repos. C'est pas quand il est stimulé par de la nourriture qu'on peut le sentir. Donc peut-être les 3 premiers jours, on sera plus fatigué, mais on va vite voir qu'auprès de 4-5 jours, on va avoir une meilleure forme tous les matins de ne pas manger directement. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent, donc espacer un petit peu plus ses repas. Mais tu parles de nourriture, pas de boisson, par exemple, parce que c'est important de boire. Alors c'est pareil. Alors pour la boisson, il faut faire très attention. Ça peut être de l'eau. L'eau, ça peut être très bien. Ou alors une petite tisane, parce que comme tout à l'heure, on parlait de nettoyage justement le matin... Hein, le corps est toujours en train de se nettoyer le matin, donc ça peut être bien, tout comme quand on nettoie notre maison avec des produits ménagers. Bon, il y aurait des choses à redire là-dessus, mais enfin voilà. Ben, je pense qu'il est aussi important de vouloir nettoyer son organisme, parce que c'est notre propre maison et on va habiter dedans jusqu'à la fin, il me semble. Donc je pense que c'est important le matin aussi, peut-être de prendre une petite tisane, ou ça peut être conseillé. Oui, quelque chose de plutôt citron, tiède. Je vais laisser parler Mathilde, pardon, vas-y. Oui, pour pas parce qu'on a tendance à boire de l'eau froide, mais c'est vrai que ça peut aussi créer des courts-circuits, hein, parce qu'à l'intérieur de nous, déjà, notre corps, il a 37 degrés, c'est vrai. Et il y a aussi cette notion de feu digestif et de digestion. Donc, si tu fais froid tout de suite, là, comme ça, en te réveillant, ça peut bloquer aussi le processus de nettoyage. Hein. Enfin, ça peut être trop violent. En fait, il faut rester toujours à juste question d'équilibre au niveau de la température. Donc, pas trop froid, pas trop chaud, mais entre les deux, donc tiède. Ouais. Un petit citron dans de l'eau tiède, ça peut aller. Ouais, complètement. Et encore, pas pour tout le monde, ça dépend. Voilà. Encore une fois, on est tous uniques, mais c'est intéressant. Donc au niveau des boissons, voilà, je reprends vite fait. Donc du coup, oui, l'eau ou une tisane, avec les notions que vient donner de Mathilde, qui sont très importantes aussi. Mais voilà, après, si c'est un café, si c'est un jus d'orange, s'il y a des nutriments dedans, on n'est plus dans le jeûne. Parce que même si c'est un jus, l'organisme, il va quand même avoir une petite période de digestion. Donc voilà. Si c'est un café, j'en parle même pas, mais voilà, une boisson, il faut que ça reste un liquide naturel, quoi, voilà. Voilà. Ça reste un liquide naturel qui est bon pour le corps, vu qu'on parle toujours de santé. Et on a parlé tout à l'heure d'activité physique et de promenade, et je vous emmène en promenade pour la dernière pause musicale, un morceau d'Yvan Marc intitulé « Courir les blés », qu'on s'écoute tout de suite, et on se retrouve juste après. Je regarde danser le vent. Je laisse courir les blés. Ils ne savent pas vraiment où le vent va les poser. Je garde mes rancœurs cachées derrière l'amour pour empêcher la douceur de se coller sur mes joues. Il y a des erreurs que je ne referai pas. Il y a des aigreurs qui me font fermer les bras. Les bras. Je regarde le ciel. Je ne le comprends pas. Il y a pourtant des merveilles qui passent tout près de moi. Mais j'ai le cœur encombré. Je ne les aperçois pas. À trop vouloir régner, me voici aux abois. Il y a des erreurs que je ne referai pas. Il y a des aigreurs qui me font fermer les bras. Les bras. Sur Radio Guémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups, à papoter avec Mathilde et Thomas autour du thème de la santé. Et voilà, j'espère que cette belle balade vous aura plu, parce que l'heure de conclure arrive tout doucement. Donc malheureusement, s'il y a deux, trois choses qu'on peut peut-être dire, c'est que vous allez aussi à la rencontre des gens. En tout cas, toi, Thomas, tu fais des conférences, c'est ça? Ouais, complètement. J'anime des formations, des ateliers, voilà. Donc là, ça va vraiment reprendre vraiment assidûment à partir de janvier. D'ailleurs, je vais sortir une formation en ligne qui justement sera sur plusieurs niveaux. Là, ce sera le premier niveau. Mais le but de ces formations, c'est justement de démontrer aux gens que la santé, c'est pas que de l'alimentation ou c'est pas que de la prise ou non de plantes ou de médicaments. C'est de façon très large. Il y a beaucoup de besoins vitaux à respecter. Et que même si on en connaît plein, comme tout à l'heure on parlait de respiration, on sait qu'on a besoin de respirer, mais on ne sait pas vraiment comment. Et il y a plein de techniques sur tous les plans qu'il est important d'apprendre, et justement dans ces formations, j'apprendrai toutes ces techniques. Alors de façon théorie, on va apprendre par exemple comment ça fonctionne la respiration, et après des pratiques. Donc voilà, c'est pour justement montrer que la santé c'est quelque chose de très large. Voilà, parce que je termine vite fait, c'est vrai que là, dans l'émission qu'on vient de faire avec Mathilde, c'était un petit peu fouillis, on voit qu'il y a de ci et de là, mais à chaque fois il n'y a pas trop de précision et compagnie, on aurait peut-être envie d'en savoir plus. Malheureusement, en une heure, c'est très difficile pour nous, c'est un sujet d'une vie, de tout synthétiser comme ça. Donc, voilà. Mais si on peut synthétiser, voilà. On sait juste que c'est sur différents piliers, qu'il nous faut plein de clés pour ouvrir toutes les portes de la santé. Ouais. Mais que voilà, là, c'était un échange, donc c'était quand même très bien. Prenez ce que vous avez à apprendre, dans tous les cas, il y a forcément du bon à prendre. Merci pour ton positif. Et puis moi, du coup... Tout comme Thomas, je vais peut-être prendre un jour le chemin des conférences, mais ce n'est pas encore le cas. Par contre, je reste cachée mais visible sur tout ce qui est réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook, Instagram, puis mon site internet, donc sous le nom de Les Secrets de Mathilde, où je partage depuis mon changement d'alimentation, tout ce que j'ai pu vivre, mes expériences, des recettes et des conseils. Voilà. Voilà, là où on peut te retrouver sur internet. Et toi, Thomas, où est-ce qu'on peut te trouver ? Alors moi, alors soit on tape Thomas Defranoux sur internet ou alors Hitman. Alors Hitman, c'est l'homme qui mange, donc E-A-T-M-A-N, tout attaché. Donc voilà, c'est l'homme qui mange. Et si on tape ça sur les réseaux sociaux, sur internet, on le trouvera facilement et on peut me retrouver à cet endroit-là. Voilà, je fais des vidéos. Voilà, c'est sûr que mes formations, comme je disais, ou les conférences peuvent être payantes et compagnie, il y a des parties payantes, mais je donne énormément aussi en vidéo et en articles. J'écris des articles qui sont gratuits et accessibles à tous. Voilà. Comme ça, ça permet à tout le monde d'avoir des informations. Et comme le disait Mathilde, de prendre ce qu'il y a à prendre pour avoir les bonnes clés et ouvrir les bonnes portes pour avoir une vie en santé. Oui, donc tu as dit dès janvier, tu reprendras les conférences dès janvier. Je sais que tu en as une en novembre. Après, c'est vrai qu'à l'heure à laquelle vous nous écoutez, on ne sait pas si ça aura été diffusé avant ou après, donc on ne va peut-être pas parler de date. Ouais. Mais dans tous les cas, c'est toujours l'occasion de te voir dans le secteur, j'imagine, dans les Vosges pour tes conférences. Ouais. Ouais, ouais. Et puis pourquoi pas, à terme, qu'on crée une conférence à faire tous les deux, ça serait aussi à penser. Voilà. Oui, carrément. Une très bonne chose, une très bonne idée, Thomas et Mathilde, avec qui on a discuté, oui, sur le sujet de la santé. Ben, on aura encore tellement, tellement, tellement de choses à dire, ben oui. Mais une heure ne suffit pas. et surtout, les pauses musicales, les petits temps de repos sont nécessaires aussi pour assimiler tout ce qu'on a à apprendre, tout ce qu'on a à savoir, parce que, comme vous le disiez bien, on ne connaît pas du tout notre corps, hein, on ne sait pas du tout le gérer comme il faut, et on ne l'écoute pas. C'est le plus important, ça, se rendre compte qu'on ne l'écoute pas. J'imagine que ça a été un processus assez difficile, assez long de votre côté, vu que c'est déconstruire, j'imagine, des acquis qui nous ont été transmis par la société et par notre entourage. Mmh. Exactement. Mmh. Mais donc, il faut quand même toute une vie hein, pour apprendre vraiment à s'écouter, je pense. Oui, ah oui, complètement, oui. À coup sûr, mais on se décourage pas, hein. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Tout à fait, le temps n'a pas d'importance, ni l'âge d'ailleurs. Non plus. Est-ce que je peux donner tout vite un conseil qui me paraît très important en fait en ce qui concerne la santé tout mais vite. Oui, vas-y. En fait, j'aimerais inviter toute personne qui se renseigne justement sur la santé à déjà dans un premier temps ne jamais prendre pour acquis, même si c'est moi qui parle ou un autre, ne jamais prendre pour acquis comme si c'était une propre vérité. Voilà, parce que tout le monde peut se tromper. D'ailleurs, moi, depuis 6 ans, j'ai énormément mûri mes connaissances, donc ça veut bien dire que je remets à jour aussi les choses. Ça ne veut pas dire que je raconte n'importe quoi, mais je remets à jour. Et de jamais prendre pour acquis et de toujours au maximum se renseigner par soi-même, parce que l'autonomie, ça passe par là. Si on va toujours voir des praticiens comme moi et Mathilde, c'est sûr que nous, on veut donner l'autonomie aux gens, c'est notre but, mais si la personne ne prend pas de son plein gré l'envie de rechercher soi-même voilà. Comment fonctionne le corps humain, ben, il n'y aura jamais une réelle prise d'autonomie. Voilà, parce que c'est très important. Il faut cette implication, effectivement, voilà. C'est hyper important. Et j'ai envie de dire, attention, parce que c'est vrai que quand on se dit, ouais, se renseigner sur le corps humain, de la physiologie, ouais, c'est dur, toi, t'aimais pas ça, enfin voilà. Mais c'est pas la peine d'être un fou de physiologie pour comprendre le corps humain. C'est quelque chose de très simple. D'ailleurs, la vie est très simple et ça devrait être très simple. Donc voilà. Et une dernière précision, surtout si vous allez sur internet, vous renseignez, que vous voyez des méthodologies qui concernent que l'alimentation, où on dit cette alimentation vous guérira tout, ne foncez jamais dans le panneau parce que c'est un leurre complet. Voilà. Je pense que c'est sur cette note qu'on va s'arrêter sans ajouter quoi que ce soit sur oui, ces belles paroles, ces beaux conseils qu'on va s'efforcer d'écouter et de suivre. Encore une fois, comme le disait Mathilde, en prenant ce qu'il y a à prendre, car chaque être humain est différent. Nous sommes tous uniques, comme tu le disais, et nous n'avons pas tous les mêmes chemins pour arriver à une vie en santé. Et je pense, oui, que c'est vraiment sur ces paroles-là qu'il faut conclure, sinon moi je m'arrête pas. Parler. Donc, Mathilde, Thomas, merci beaucoup pour vos informations, pour votre temps et pour cette discussion très riche. Hein. Donc, on vous trouvera dans tous les cas, on peut vous trouver sur Internet, sur YouTube ou même toi, Mathilde, dans ton cabinet, parce que j'ai bien compris que tu es naturopathe, tu dois avoir ton cabinet. Oui, à Plombières-les-Bains pour l'instant. Et toi, Thomas, tu as, mis à part le site internet, t'as pas spécialement de cabinet, toi. Alors moi, justement, ce qui diffère de l'hygiénisme, de la naturopathie aussi, par exemple, c'est surtout qu'en fait, moi, je suis éducateur et enseignant, en fait. Je ne reçois personne en consultation, voilà. Parce que si je devais faire des consultations, ce serait très différent de la naturopathie et je n'ai pas le temps ni forcément l'envie en ce moment de faire ce genre de choses. Parce que les suivis hygiénistes sont des suivis très longs, et où on s'intègre vraiment chez la personne, on s'immisce chez la personne pour voir vraiment le quotidien des personnes. Donc ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, et voilà, moi je ne fais pas ça pour le moment. Voilà. Mais voilà, chacun vos méthodes de travail. Mathilde, tu avais une dernière chose à dire ? Bah merci à toi Lou. Ouais, merci. Voilà. Merci beaucoup. Et prenez soin de vous, et écoutez-vous et tout ira bien. Écoutez-vous, comme le disait Mathilde, et merci de nous avoir écoutés dans tous les cas. Bon, peut-être qu'on se retrouvera pour une autre discussion très importante, très intéressante surtout, et très, très riche et variée. Dans tous les cas, encore une fois, merci. C'était vraiment très sympa. Merci à tous. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir.